Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi il nous faut prendre garde de plus près aux choses que nous avons ouïes, de peur que nous les laissions écouler. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut, qui ayant premièrement commencé d'être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient ouï, Dieu leur rendant aussi témoignage par des prodiges et des miracles, et par plusieurs autres différents effets de sa puissance, et par les distributions du Saint-Esprit, selon sa volonté. Car ce n'est point aux anges qu'il a assujetti le monde à venir, duquel nous parlons. Et quelqu'un a rendu ce témoignage en quelque autre endroit, disant, « Qu'est-ce que de l'homme, que tu te souviennes de lui, ou du Fils de l'homme, que tu le visites ? Tu l'as fait un peu moindre que les anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, en ce qu'il lui a assujetti toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti, mais nous ne voyons pourtant pas encore que toutes choses lui soient assujetties. Mais nous voyons couronné de gloire et d'honneur, celui qui avait été fait un peu moindre que les anges, c'est à savoir, Jésus, par la passion de sa mort, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Car il était convenable que celui pour qui sont toutes choses, et par qui sont toutes choses, puisqu'il a mené plusieurs enfants à la gloire, consacra le prince de leur salut par les afflictions. Car est celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés descendent tous d'un même Père, c'est pourquoi il ne prend point à honte de les appeler ses frères. Disant, j'annoncerai ton nom à mes frères, et je te louerai au milieu de l'assemblée. Et ailleurs, je me confierai en lui. Et encore, me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. Puis donc que les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses, afin que par la mort il détruisît celui qui avait l'empire de la mort, c'est à savoir, le diable, et qu'il en délivra tous ceux qui pour la crainte de la mort, étaient assujettis toute leur vie à la servitude. Car certes il n'a nullement pris les anges, mais il a pris la semence d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il fût semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux, et fidèle dans les choses qui doivent être faites envers Dieu, pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. Car parce qu'il a souffert étant tenté, il est puissant aussi pour secourir ceux qui sont tentés.